De retour à un futur simple sur CKRL au 89.1. À 1h40 ce matin, heure de l'Est, un astéroïde a rasé la Terre. Il est passé à 1/10 de la distance Terre-Lune. Ce fut une excellente occasion pour tester la coordination des systèmes de détection sur Terre. Alors, pour nous en parler, j'ai avec moi Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Ben oui, comme tu l'as dit, c'est arrivé cette nuit, donc c'est la nouvelle d'actualité la plus live que j'ai eu l'occasion de présenter. C'est difficile d'être presque plus live que ça, effectivement. Oui. Donc, comme tu l'as dit, il y a un astéroïde qui a frôlé la Terre aujourd'hui. Et s'il présente vraiment aucun danger, la proximité était une bonne occasion de faire un exercice de défense planétaire internationale. Donc, j'avais envie de vous présenter ça aujourd'hui. Pendant que vous étiez en train de dormir, en fait, il y a eu un exercice d'un genre un peu particulier qui a eu lieu au sein de nombreux observatoires astronomiques dans le monde. Des scientifiques du monde entier ont profité du passage de l'astéroïde baptisé 2012 TC4 qui passait non loin de la Terre pour mener une espèce d'exercice de défense planétaire, une genre de pratique. Donc, l'astéroïde en question mesure entre 13 et 30 mètres selon la fiche technique qui a été rédigée là, par l'Agence spatiale européenne. Donc, on peut, mettons, l'arrondir à 20 mètres. Il a passé très près de la Terre à 43 780 km de distance. Alors, c'était un exercice de feu qu'on faisait, là, c'est ça? Pas mal, oui. Alors, j'ai dit en introduction que l'astéroïde avait rasé la Terre. Est-ce que c'est exagéré de dire ça? Est-ce que cette distance est-elle vraiment très proche de la Terre? Mais pour vous donner une idée, à l'échelle spatiale, c'est extrêmement proche. À titre de comparaison, les satellites qui sont en orbite géostationnaire autour de la Terre sont à environ 36 000 km de distance. Donc, c'est extrêmement proche. Elle nous a vraiment frôlé. Mais il n'y a pas d'inquiétude. La fin du monde, c'est pas pour aujourd'hui. L'astéroïde avait aucune chance de frapper la Terre. On suivait sa trajectoire. C'était connu. L'Agence spatiale européenne a évalué la probabilité d'impact donc à zéro. Okay. À ce niveau-là, il n'y avait pas de danger. Mais il aurait pu avoir aussi un impact avec la Lune parce qu'il passait entre la Lune et oui, la Terre, en fait. Oui. Il ne faut pas rigoler avec ça, non? Non, c'est très monitoré, les astéroïdes, heureusement. Mais puisque l'astéroïde passait dans les environs, ben, c'était une bonne occasion pour les astronomes de s'entraîner le jour où il va vraiment falloir être prêt. Donc, c'est un événement qui était une excellente occasion de tester la capacité internationale à détecter et à suivre les géocroiseurs, c'est comme ça qu'on appelle les gros astéroïdes, et d'évaluer notre capacité à réagir à une menace qui serait réelle cette fois. OK. Mais Mélanie, des astéroïdes, d'où ça provient, ça? D'où ça vient, ça? Mais l'astéroïde 2012 TC4, joli nom, a été repéré pour la première fois en 2012, d'où son nom, par l'observatoire à Hawaï dans le cadre d'un projet qui s'appelle Pan-STARRS. Et il a ensuite été détecté à nouveau au courant de l'été. Et cette fois, c'était par le très grand télescope de l'Observatoire européen Austral qui est basé au Chili. Après, le 12 octobre, il va repasser près de la Terre le 19 octobre 2050. Donc, on ne le reverra pas avant un petit moment. Et en quoi va consister l'exercice qui va se faire aujourd'hui? Bien, les différents intervenants du monde de l'astronomie vont utiliser les propriétés physiques qui vont être observées par cet astéroïde-là pour, en fait, modéliser les effets d'un impact potentiel si cet astéroïde avait touché la Terre. Donc, les modèles vont être mis à jour à l'aide d'observations qui sont vraiment récentes, qui datent des dernières heures. Comme c'est le cas d'un scénario d'impact réel, afin d'améliorer la planification des interventions d'urgence. Et si un tel astéroïde heurtait la Terre, quelle serait l'étendue des dégâts? Est-ce qu'on peut évaluer ça? Un astéroïde comme celui-là, on estime la vitesse de déplacement, c'est vraiment rapide, c'est 7,2 km par seconde. Et ça ferait des sacrés dégâts, même s'il mesure quelques 10 ou 20 mètres. Oui, parce qu'on sait que l'énergie développée, c'est proportionnel à la masse multipliée par la vitesse au carré. Oui, et là, la vitesse est assez importante. C'est ça, effectivement. Mais c'est pas au point d'être un risque existentiel pour l'humanité, mais ça serait quand même assez suffisant pour provoquer localement, là où il tomberait, des effets assez sévères. Pour te donner une idée, l'astéroïde qui a frappé la Terre il y a vraiment très longtemps, il y a 65 millions d'années, dans la péninsule du Yucatan, et qui a d'ailleurs mené à l'extinction des dinosaures. C'est un fait. Elle mesurait de 10 km à 15 km de diamètre. Et ça, c'est quand ça a tombé sur Terre, c'est à peu près l'équivalent en même temps de 10 milliards de bombes atomiques. OK. Rien de moins. Donc, c'est un impact qui a causé un cratère immense de 180 kilomètres et ça l'a causé, ben, on sait maintenant, la dernière grande extinction massive. Et d'ailleurs, l'endroit, c'est un fait intéressant, j'ai un peu creusé là-dessus parce que ça m'intriguait. L'endroit où l'astéroïde est tombé, ça l'a eu autant d'influence que sa grosseur, sa masse, sa vitesse et toutes ces caractéristiques-là. Ça, ce qui veut dire, c'est que les analyses des chercheurs ont montré que l'astéroïde est tombé en mer peu profonde et ça a libéré un énorme volume de soufre dans l'atmosphère. Puis ce phénomène-là a entraîné ce qu'on appelle un hiver planétaire qui a suivi là, la tempête de feu quand l'astéroïde est tombé. Et cet hiver planétaire-là a duré là, plusieurs mois. Et selon les chercheurs, si l'astéroïde avait frappé la Terre soit un peu plus tôt ou un peu plus tard, ou qui serait tombé carrément dans l'océan ou ailleurs, ben ça aurait changé la nature de l'impact. Il n'y aurait pas eu les émissions de soufre, peut-être? C'est ça. C'est venu comme empirer la situation. C'est pas uniquement la taille et l'ampleur de l'explosion, c'est aussi là où il est tombé qui a mené à l'extinction des dinosaures. Fait que l'endroit de l'impact est très important. Ça a une influence presque aussi importante que l'astéroïde en lui-même. Et s'il était tombé dans le Pacifique ou dans l'Atlantique, ben il y aurait eu moins de matière, comme tu l'as dit, il y aurait probablement peut-être même pas eu de souffle, qui se serait vaporisé dans l'atmosphère. L'énorme nuage de poussière là, qui a bloqué la lumière du soleil aurait peut-être pas été aussi important. Et puis les rayons auraient peut-être pu quand même atteindre la surface de la planète. Il n'y aurait pas eu un hiver là, nucléaire comme il s'est produit. Donc peut-être que le sort des dinosaures aurait été différent. Alors, on serait peut-être pas ici pour en parler, par exemple. Tout à fait. Mais il n'y a pas de panique, là. On est loin d'un objet pareil en ce qui nous concerne aujourd'hui. Selon l'agence européenne, il faudrait s'attendre à un scénario similaire à celui-ci. S'il y aurait eu un impact, là, ça aurait été similaire à ce qui est arrivé en février 2013. Il y a eu on a observé dans le ciel de l'Oural un météorite qui a vraiment été très remarqué. Il y a eu vraiment des vidéos sur Internet. La collision elle-même n'a pas fait beaucoup de dégâts. C'est plus son entrée dans l'atmosphère. Qui a été très impressionnante. Oui, parce que ça a même blessé plus de 1000 personnes. Ça a endommagé quelques milliers de bâtiments, surtout là, des fenêtres cassées, et à cause de l'onde de choc à son entrée dans l'atmosphère. À l'époque, le coût total des dégâts qui ont été constatés là, sur quand même 90 km de chaque côté de la trajectoire du météore, ça a été estimé à quand même 25 millions d'euros. On devine donc qu'un tel bolide, qu'est-ce que ça provoque s'il passe non loin d'une zone qui est encore plus peuplée? Parce que là, l'Oural, c'est pas New York. Donc, ça aurait été vraiment pire si on avait eu un événement de ce genre-là près d'une grande ville. Effectivement. Et c'est pour cela que les tests comme celui-ci, en fait, vont être conduits demain. En fait, c'est pour ça qu'ils sont importants. Exactement, hein? Parce que c'est pour cette raison-là que la NASA développe d'ailleurs le programme DART, qui doit faire la démonstration là, d'une technique de déviation d'un astéroïde si sa trajectoire représentait une menace pour la Terre. Okay. Il existe toutes sortes de technologies là, aussi farfelues les unes que les autres, là, mais il y a quand même des gens qui se penchent sérieusement sur la question parce que c'est quand même un problème qui peut arriver. Oui. On n'est pas zéro risque. C'est un fait. Et Washington travaille sur ces questions-là, même si le risque là, est quand même vraiment très, très faible à court terme. Comme je le disais au début, là, c'est quand même très monitoré. On est quand même un peu au courant de ce qui se passe dans le ciel, heureusement. On voit venir les choses avec un certain délai. Là. Oui, c'est ça. Et donc, dans l'espace, ben, les objets célestes, il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus massifs que notre ami de cette nuit, qui pourraient un jour croiser la trajectoire de la Terre. Donc, il faut vraiment être prêt à intervenir si on ne veut pas subir le même sort que les dinosaures. Effectivement. Alors, merci Mélanie pour cette nouvelle palpitante. Nous allons faire une pause musicale et on vous revient après la pause avec Marie-Claude Dionne qui va nous emmener en Égypte pour nous parler d'une ancienne technique architecturale. Restez à l'écoute.